Exode chapitre 34. Et l'Éternel dit à Moïse, aplanis-toi deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as rompues. Et sois prêt au matin, et monte au matin en la montagne de Sinaï, et présente-toi là devant moi sur le haut de la montagne. Mais que personne ne monte avec toi, et même que personne ne paraisse sur toute la montagne, et que ni menu ni gros bétail, ne pèse près de cette montagne. Moïse donc aplanit deux tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé, et il prit en sa main les deux tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et s'arrêta là avec lui, et cria le nom de l'Éternel. Comme donc l'Éternel passait par devant lui, il cria, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu fort, pitoyable, miséricordieux, tardif à colère, abondant en gratuité et en vérité, gardant la gratuité jusqu'en mille générations, ôtant l'iniquité, le crime, le péché, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et Moïse, se hâtant, baissa la tête contre terre, et se prosterna, et dit, ô Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, que le Seigneur marche maintenant au milieu de nous, car c'est un peuple de courroide, pardonne donc nos iniquités et notre péché, et possède-nous comme ton héritage. Et il répondit, voici, moi qui traite alliance devant tout ton peuple, je ferai des merveilles qui n'ont point été faites en toute la terre, ni en aucune nation, et tout le peuple au milieu duquel tu es, verra l'œuvre de l'Éternel, car ce que je m'en vais faire avec toi sera une chose terrible. Garde soigneusement ce que je te commande aujourd'hui, voici, je m'en vais chasser de devant toi les Amoréens, les Chananéens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donne-toi garde de traiter alliance avec les habitants du pays auquel tu vas entrer, de peur que peut-être il ne soit un piège au milieu de toi. Mais vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous couperez leurs bocages. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux, c'est le Dieu fort qui est jaloux, afin qu'il n'arrive que tu traites alliance avec les habitants du pays, et que, quand ils viendront à paillarder après leur Dieu, et à sacrifier à leur Dieu, quelqu'un ne t'invite, et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, lesquels paillardant après leur Dieu, feront paillarder tes fils après leur Dieu. Tu ne te feras aucun Dieu de fonte. Tu garderas la fête solennelle des pains sans levain, tu mangeras les pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai commandé, en la saison du mois auquel les épis mûrissent, car au mois que les épis mûrissent, tu es sorti du pays d'Égypte. Tout ce qui ouvrira la matrice sera, à moi, et même le premier mâle qui naîtra de toutes les bêtes, tant du gros que du menu bétail. Mais tu rachèteras avec un agneau, ou un chevreau le premier-né d'un âne, si tu ne le rachètes, tu lui couperas le cou. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et nul ne se présentera devant ma face à vide. Tu travailleras 6 jours, mais au 7e tu te reposeras au temps du labourage et de la moisson. Tu feras la fête solennelle des semaines, au temps des premiers fruits de la moisson du froment, et la fête solennelle de la récolte, à la fin de l'année. 3 fois l'an tout mâle d'entre vous comparaîtra devant le dominateur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations de devant toi, et j'étendrai tes limites, et nul ne convoitera ton pays, lorsque tu monteras pour comparaître 3 fois l'an devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'offriras point le sang de mon sacrifice avec du pain levé, on ne gardera rien du sacrifice de la fête solennelle de la Pâque jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre dans la maison de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau au lait de sa mère. L'Éternel dit aussi à Moïse, écris ces paroles, car, suivant la teneur de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Et Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, et sans boire d'eau, Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, c'est-à-dire, les 10 paroles. Or il arriva que lorsque Moïse descendait de la montagne de Sinaï, tenant en sa main les 2 tables du témoignage, lors, dis-je, qu'il descendait de la montagne, il ne s'aperçut point que la peau de son visage était devenue resplendissante, pendant qu'il parlait avec Dieu. Mais Aaron et tous les enfants d'Israël ayant vu Moïse, et s'étant aperçus que la peau de son visage était resplendissante, ils craignirent d'approcher de lui, mais Moïse les appela, et Aaron et tous les principaux de l'assemblée retournèrent vers lui, et Moïse parla avec eux. Après quoi tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur commanda toutes les choses que l'Éternel lui avait dites sur la montagne de Sinaï. Ainsi Moïse acheva de leur parler, or il avait mis un voile sur son visage. Et quand Moïse entrait vers l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortait, et, étant sorti, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été commandé. Or les enfants d'Israël avaient vu que le visage de Moïse, la peau, dis-je, de son visage, était resplendissante, c'est pourquoi Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il retournât pour parler avec l'Éternel.